bonjour à tous. Vous êtes avec nous sur 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac AID. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Daniel Sylvestre qui va nous parler d'équi-homologie. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Josy. Bonjour l'équipe. Bonjour Daniel. Bonjour Alain. Bonjour. Et bonjour Gilles. Voilà, avant de passer aux choses sérieuses, je voulais vous dire qu'on a deux places à gagner au Théâtre du Sablier à Orange pour un spectacle flamenco pour un poeta. C'est le 25 mars à 20h et le dimanche 26 mars à 17h. Et on a toujours 4 repas à gagner au break. Alors si vous voulez y aller, vous me mettez un petit mot sur la page Facebook. Voilà, nous avons une page Facebook et je vous répondrai. Voilà. Bon, Daniel, on va passer donc aux choses sérieuses. Et moi, j'avais mis donc en exergue une de vos pensées. J'ai bien aimé. L'homme est à ce jour comme un immense arbre qui, pour s'identifier aux branches de ses plus hauts sommets, doit intégrer son tronc et ses racines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire par rapport à l'équi-homologie ? Donc, cela m'oblige à parler déjà du terme équi-homologie. Ben, bien sûr. Donc, équi, tout simplement, le cheval. Homo, c'est, dans le cas présent, c'est l'homme, tout simplement. Hein. Et logis, c'est en tant que science et langage. Donc, entre le cheval et nous-mêmes, nous avons un langage, celui que nous n'utilisons pas à cet instant à votre radio, hein, mais qui est un langage non-verbal. Donc, entre nous, nous avons un langage commun qui remonte à des millions d'années. Et donc, le but, c'est de pouvoir parler de ce même langage pour essayer de mieux se comprendre. Donc, vous êtes fondateur de cette thérapie, cette technique, comment on peut on dire ? On peut appeler une technique qui peut aussi avoir une orientation thérapeutique. Voilà. Et tout à l'heure, nous avons discuté hors antenne et vous nous avez dit que vous aviez créé une école, une maternelle même pour les poulains. Alors, expliquez-nous tout. Dès le départ, c'est exact. Au départ, j'avais un élevage de quarter horse, qui sont des chevaux américains. J'en avais une centaine. Chaque année, je faisais naître à peu près 25 poulains. Hein. Et j'étais confronté au fait que, pendant très longtemps, ils restaient très, très sauvages. Donc, difficulté, des fois, à les soigner, difficulté à les débourrer, ce qui veut dire leur apprendre à avoir une selle sur le dos et le cavalier. Et donc, ça, il m'est venu l'idée de pouvoir déjà les éduquer dès qu'ils étaient tout petits. Donc, je me suis mis à m'occuper d'eux dès qu'ils sortaient du ventre de leur maman. Et très rapidement, j'ai créé ce qu'on peut appeler une forme de petite école. Je leur ai appris un certain nombre de choses qu'on apprenait beaucoup plus tard. Et je me suis rendu compte qu'on augmentait la complicité, qu'on augmentait aussi leur intelligence, leur compréhension et notre dialogue était de beaucoup plus qualitatif. Donc c'est quelque chose que j'ai perfectionné et j'en ai fait une technique par elle-même. Je crois qu'il y a deux centres équestres qui font de l'équi-homologie à Saint-Étienne et ici. Et vous êtes le créateur des deux ? Oui, je suis, dès le départ, j'étais sur la région stéphanoise où j'ai créé la technique elle-même et à ce jour d'aujourd'hui, je suis revenu dans mon pays de naissance qui est le vôtre. Est-ce que vous avez des émules ? Est-ce que vous avez formé des gens pour cette technique ? Oui, il y a un certain nombre de personnes qui sont formées, qui l'utilisent soit personnellement, soit professionnellement. À l'heure présente, au centre équestre, je pourrais dire sur Mazan, il y a des personnes qui sont formées et qui utilisent cet outil de travail avec les chevaux, avec les cavaliers. Et ça se base sur quoi ? Sur la confiance ? Dès le départ, le but est de comprendre, il y a une notion de confiance qui est bâtie là-dessus, mais surtout une notion de langage. Le but, c'est d'apprendre un autre langage. Je vais vous expliquer, si vous voulez bien, pendant quelques petits instants. Dès le départ, l'animal, pour parler, n'a pas de mots, et donc il est obligé de développer une très grande sensation. Il est obligé de percevoir le milieu dans lequel il écoute de plus en plus aigu. Donc là-dedans, il va utiliser à l'intérieur de son cerveau des neurones. On appelle ces neurones les neurones miroirs. Ces neurones miroirs ont une capacité de reproduire à l'identique ce qui se passe à l'extérieur et créer des produits chimiques qui sont assez identiques à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc ça permet de sentir à l'intérieur de soi ce que vit et sent l'autre à l'extérieur. Donc c'est une capacité que l'on peut nous-mêmes développer de plus en plus et que personnellement je suis né avec. Je suis né avec une capacité naturelle de percevoir les émotions et les sensations des autres personnes quand elles sont à côté de moi. Donc une personne qui a un stress très important, je le somatise dans mon corps. Une personne qui est joyeuse, je sens sa joie, ces sensations je les vis naturellement et depuis tout petit je vis cela. C'est fatigant. Disons que ça a des avantages et ça a d'énormes inconvénients. On va faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour ce sujet qui nous passionne. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Fly FM. Fly FM 89.9 avec Monsieur Sylvestre Daniel qui est échimologue et thérapeute, psychothérapeute, c'est ce qu'on vient d'apprendre hors antenne. C'est et exact. Je pense que vous servez de ces deux casquettes pour faire plusieurs activités qui vous passionnent. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, en association avec le cheval, l'objectif c'est de travailler ce qu'on appelle maintenant l'équithérapie. Hein. L'équithérapie, c'est l'utilisation du cheval pour pouvoir intervenir dans des problèmes de stress, dans des problèmes de relations, dans des problèmes d'intégration sociale, dans des problèmes même des fois de concentration hein, ou de pathologies un petit peu plus lourdes. Donc le cheval va aider l'être humain déjà par sa présence, dans le fait que déjà il y a un calme beaucoup plus important à l'intérieur de son comportement, hein. C'est-à-dire le cheval a des rythmes électriques beaucoup plus lents que nous au niveau de son cerveau, et nous avons la capacité de pouvoir nous mettre sur une longueur d'onde identique à lui grâce à nos neurones miroirs que j'ai parlé tout à l'heure, et cela a des effets souvent très positifs au niveau des enfants, des adultes et des très grands. Alors ou soit on fait partie, c'est une association qui vient vous appeler rapprochez-vous du micro parce que vous êtes un peu loin. Oui, parce qu'on n'entend pas bien. Oui. Voilà. C'est ça. Ou soit c'est une association, enfin, on va dire plutôt. Hop, voilà, c'est bon. On est petit en direct. Petit problème technique, résolu. Voilà. Ou soit, moi, je viens vous voir, je vous dis, j'en peux plus, je suis fatiguée, et vous allez de suite dire, bon, on va faire plusieurs séances, ou une séance, ou deux, et vous allez sûrement choisir le cheval qui me conviendra. Mmh. Comment oui, vous fonctionnez, là? Déjà, il y a plusieurs possibilités. Soit, directement, personnellement, une personne vient nous voir, nous dit, je suis confronté à tel problème. Soit, nous travaillons aussi avec des associations, ou avec les communautés de communes, etc., qui nous amènent des enfants qui ont des problèmes d'intégration, ou même nous travaillons avec des personnes qui ont des soucis, qui sont des délinquants, qui veulent se réintégrer, et sur lesquels l'activité du cheval permet d'établir une meilleure communication, d'apprendre tout un schéma de comportement qui va leur permettre à mieux s'intégrer à l'intérieur de la société. Bon, vous recevez tout le monde. Oui, là, on est ouvert à toutes les possibilités, pourvu que dans ces réalités, il y ait des problèmes et que le cheval puisse intervenir et aider la personne à avancer et à progresser par rapport à sa problématique ou sa pathologie. Et après, en dehors de ça, vous avez autre chose, ça c'est par rapport aux chevaux, vous pratiquez le débourrage. Donc au niveau des chevaux, il va y avoir toute la base d'éducation du cheval et de relations et de communication avec le cheval pour permettre au cheval d'établir une meilleure relation, un meilleur comportement et surtout un schéma de confiance avec le cavalier. Et là, nous intervenons aussi sur des problématiques. Des fois, il y a des problématiques de relations entre le cheval et son cavalier. Hein, et quand cela se produit, nous pouvons intervenir. Et souvent, aussi, une grande partie de notre activité, nous avons des cavaliers qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont chuté, qui ont eu des incidents ou des accidents avec les chevaux. L'objectif, c'est de pouvoir redonner confiance, je pourrais dire, au cavalier qui a des mauvais souvenirs, mais qui veut revenir vers le cheval parce que ses expériences passées étaient très positives. Eh ben, tout ça, c'est intéressant. Voilà. On va faire une pause et on continue tout à l'heure. Ok, merci. De rien. Je cherchais contre vents et marées, une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Sous la lune, au ciel étoilé, non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour, la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard? N'as-tu vraiment qu'un souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire juste à la la la la. Ouais. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, tu ne sens même pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Juste là. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Bye FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées et Daniel Sylvestre. Bon, monsieur Sylvestre, je crois qu'il y a trois formes d'équihomologie, humaine, équine et équestre. Alors, les différences? Ok, donc vos informations semblent parfaites déjà. Oui, hein. Avant j'essaie. On va tout savoir sur l'équimologie. Donc, les trois, nous avons commencé à en parler un petit peu, mais je vais plus spécifier cela. Donc, l'équitation équine par elle-même, c'est tout ce qui est éducation des jeunes poulains et des chevaux, afin qu'ils aient une relation la plus sécurité, de confiance et de qualité avec l'être humain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équine. De l'autre côté, il y a l'équestre qui touche à tout ce qui va être notre relation à cheval, que nous ayons des problèmes ou que nous voulions améliorer notre relation à le cheval, quand en monte et soit des personnes qui ont leurs propres chevaux, comment mieux vivre à le cheval. C'est la deuxième, c'est l'équestre. Et la troisième, je pourrais dire, c'est l'humaine, c'est comment utiliser le cheval pour améliorer, pour diminuer son stress, pour améliorer notre capacité de communication et de relation, hein, soit dans le cadre professionnel, soit ailleurs. Voilà les trois activités. Ah oui, c'est très bien. Et vous nous disiez que les poulains, vous mettiez les petits-enfants sur leur dos quand les poulains ont 3 mois. C'est jeune. Même, je vais vous dire, je mets des moments déterminés sur, au bout de 3, 4, 5, 6 jours, hein, des petits-enfants sur le dos des jeunes poulains. Bien sûr, je prends des enfants très légers. Des enfants, bien sûr, ils vont se reposer pendant quelques secondes, tout en respectant bien le dos du poulain, mais pour qu'il y ait cette accoutumance et cette habitude. Ce qui veut dire, entre le cheval, paradoxalement, n'a pas ce qu'on appelle de code génétique de portée. C'est nous qu'on leur a apporté. Nous avons un code génétique de portage parce que depuis des millions d'années, nous nous accrochions à notre maman sur le dos et elle nous promenait. Oui, c'est pour ça que nous aimons monter sur les chevaux parce qu'on retrouve des vieux instincts. Le cheval, être monté sur son dos, il n'a pas de code génétique de portage et pour lui, c'est que le prédateur qui monte sur le dos. Donc nous devons aller et lui apprendre quelque chose qui est antinaturel. Tandis que chez nous, c'est le portage est naturel, chez le cheval, c'est antinaturel, et c'est pour ça qu'on doit modifier des codes de millions d'années, et c'est au plus on s'y prend tôt, au plus c'est facile, au plus c'est aisé, au plus il y a de sécurité. Et donc vous nous disiez que les humains portaient bas tous les 11 mois, et elles retombaient enceintes. Oui. La durée de gestation d'une jument, au lieu, chez nous les êtres humains c'est 9 mois, chez elles c'est 11 mois, et 4-5 jours après avoir mis bas, elles sont à nouveau en ovulation, et donc elles peuvent être encore fécondées. Et tout ça jusqu'à un âge très avancé, c'est-à-dire il n'y a pas de véritable absolu ménopause chez la jument, hein. Donc jusqu'à des âges assez avancés, après, arrive un moment déterminé, elles manquent d'énergie, donc elles ne retiennent plus, mais on ne peut pas parler de ménopause chez la jument. Donc quand le poulain a 8 mois, je crois qu'elle leur dit, allez, fais ta vie. Exactement. À 8 mois, elle est déjà en gestation, elle commence à devenir très grosse, elle donne du lait à son autre poulain, et naturellement, elle les écarte pour pouvoir véritablement finaliser leur gestation, et que derrière, il n'y a plus qu'un poulain, celui qui arrive, qui puisse avoir le lait. Voilà, on va se faire une petite pause et après on reviendra quelques petites anecdotes, on parlera peut-être de cheval passion. À tout à l'heure. De courant de Manhattan, dans la ville endormie, au centre des batailles, on attend des jours meilleurs. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait d'un idéal. Oh beautiful day, on rêvait d'une vie sans faille. Oh beautiful day, on rêvait. Bonjour Fly FM 89.9 avec Sylvestre Daniel qui a le ranch Le Lucky Horse. Je crois qu'en dehors de l'équimologie, vous avez aussi été vous avez participé à Cheval Passion. Oui, ça fait partie des activités. Disons, chaque année, nous essayons de nous y rendre et de pouvoir montrer nos atouts, nos qualités et ce que nous savons faire, notre savoir-faire, pour pouvoir ouvrir ces perspectives à une multitude de gens qui peuvent avoir envie de travailler le cheval dans une un meilleur équilibre, une meilleure relation, une meilleure qualité de vie avec. D'accord. Je sais, Orantel, vous avez raconté quelques petites histoires qu'on a trouvées très jolies et vous pouvez nous en raconter une là. Donc, dans ces histoires, c'est que chaque année, il y a des naissances de petits poulains et des fois, dans ces petits poulains, il y a des poulains qui ont des qualités de relations beaucoup plus qualitatives que d'autres, qui sont très très proches d'êtres humains. Donc, tout récemment, j'en avais un qui s'appelle Dream, qui vivait avec nous dans la maison. Donc, il rentrait dans toutes les pièces de la maison, en respectant, je pourrais dire, tous les objets, etc., qui sortaient dehors pour faire ses petits besoins, et qui souvent venaient manger à table avec nous. Et il était fortement gourmand, il aimait les petites crèmes dessert. Hein, et on dira pas demain. Il venait véritablement manger. Il mangeait à la cuillère avec nous, et en réclamait, était réellement très très très très très, très gourmand de cela. C'est coquin, lui. Oui, c'était un coquin. Si on voulait, je m'amusais avec lui. Oh, c'est d'une manière sympathique. On lui mettait une petite serviette autour du cou, on lui essuyait la bouche après qu'il ait mangé, etc. Oh, donc c'était un petit peu, c'était très mignon, mais lui-même appréciait surtout la crème dessert. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, c'est voilà, à l'heure actuelle, il a grandi, il est au centre équestre, et là il fait monter les petits enfants, puisque au centre équestre nous faisons des baby poneys, nous prenons les enfants à partir de 2 ans. Hein. 2 ans, oui. Donc comme nous avons des chevaux qui sont très gentils, très sages, très très communicants. Ça permet d'ouvrir aux enfants et faire découvrir cette passion qu'est le cheval. Moi, je voulais vous dire, pourquoi tous les centres équestres ne font pas ce que vous faites? La difficulté là-dedans, c'est une question de... Ça prend beaucoup, c'est une question financière. Ouais. Ça prend énormément de temps. Il faut consacrer beaucoup de temps au niveau des chevaux, etc. Et donc, moi-même, je suis amené à avoir une activité professionnelle à côté, de psychothérapeute et de coach, qui me permet d'avoir mon revenu. Et après, je peux vivre totalement ma passion et de faire partager ma passion à un certain nombre de personnes. Non, je voulais demander si le fameux Dreams, il se promène toujours en liberté? Oui, il est toujours en liberté. De temps en temps, je le ramène encore à la maison, hein, pour pouvoir garder ses bonnes habitudes. Non, il garde une relation avec l'être humain qui est très, très, très, très proche. Il a droit à sa crème dessert? Oui, il a droit à sa crème dessert. Après, il s'est tellement habitué à l'être humain qu'à certains moments, en cours, il fait un petit peu son petit coquin, des fois... Il est envahissant. Il est des fois, il a voilà, il fait un petit, je dirais pas des petits caprices des fois. Il perd un petit peu sa qualité d'écoute. On va se faire une petite pause et après on parlera un peu de Cheval Passion pour terminer. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Right! nouveau Fly FM 89.9 avec Sylvestre Daniel. Claudie, je crois que tu voulais parler de... Cheval Passion. Cheval Passion. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est récent. Et je sais que vous y étiez. Donc, on était à Cheval Passion. L'objectif est de pouvoir démontrer que l'on peut aussi travailler en liberté avec un cheval. Je veux dire, normalement, quand vous montez un cheval, vous avez une selle, vous avez un mors, des rênes qui vous permettent de diriger le cheval. Donc là, le but, nous, très souvent, nous travaillons sans selle, directement pour avoir un contact avec le cheval. Et puis, nous essayons de travailler lentement en liberté. C'est-à-dire, comment arrêter un cheval sans utiliser ses rênes, comment le faire tourner à droite, à gauche, accélérer, etc., en utilisant un minimum d'outils extérieurs et essentiellement en privilégiant notre communication. L'objectif est de démontrer qu'il y a possibilité d'établir une complicité qui permet d'avoir une relation, d'une communication en liberté avec Alors, le cheval. Alors, pour le faire tourner, c'est avec votre corps ? Le corps est fondamentalement très important. Vous allez mettre un certain nombre de poids au niveau de votre corps, vous allez avoir tout un certain nombre de gestuels et le cheval va percevoir de mieux en mieux cette gestuelle et vous allez lui permettre de tourner à droite, de tourner à gauche. Quand vous voulez arrêter, vous allez bloquer votre mouvement de hanche et quand vous voulez accélérer le mouvement, vous allez accélérer votre mouvement, votre accompagnement de hanche. Mais ça, c'est un travail à long terme. C'est un travail où nous améliorons la communication de base dans lequel le cheval, dès le départ, écoute bien, mais quand vous travaillez à cru, il va beaucoup plus ressentir le poids de votre corps que la selle va souvent enlever. Et bien sûr, après, c'est un travail où vous peaufinez de plus en plus. C'est là où est tout l'art et tout le plaisir. Et là, tout à l'heure, vous parliez de le cheval a une zone, enfin, comme nous. Oui, si on va le voir et qu'on veut le caresser. Comment il faut faire pour... Parce que vous dites, si on le caresse, on se soumet, alors. Oui, là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre relation à le cheval est un rapport d'espace. Comme nous, en tant qu'être humain, sans nous rendre compte, nous essayons à des moments déterminés de manger ou on se fait manger l'espace. Et en permanence, le but, c'est de trouver un équilibre. Avec le cheval, c'est comme avec un chien. Si vous êtes en permanence gentil, vous lui dites « je suis faible ». Je n'ai pas de personnalité et je n'ai pas réellement d'affirmation de moi. Et donc, lentement, il est comme un enfant. Si vous êtes gentil en permanence, il va avoir tendance à abuser de votre gentillesse. Donc, à des moments, comme l'enfant, vous devez dire non. Et à des moments déterminés, vous devez donner même certains ordres pour qu'il puisse apprendre aussi à exécuter. Donc le but, c'est d'apprendre. C'est comme dans la vie, nous avons des droits et nous avons des devoirs. Le but, c'est d'apprendre que le cheval a des droits, mais aussi il a des devoirs, et de pouvoir utiliser cet équilibre droit et devoir en permanence. Donc à des moments déterminés, vous rentrez dans son espace, vous lui demandez de bouger. À des moments déterminés, vous lui demandez de rentrer dans votre espace et vous pouvez le caresser. Et donc... L'équilibre est quelque chose de valable parce que si vous voulez que le cheval vous respecte, il faut que vous sachiez vous affirmer et en même temps que vous puissiez être tendre et délicat avec lui. C'est ce double mouvement qui est très important. Ça ne doit pas être évident, ça. C'est tout un art. C'est comme dans la vie quotidienne. On retrouve cette même problématique dans nos relations et avec les enfants. Les enfants, c'est tout à fait exact. En même temps, il faut de la fermeté, il faut du respect, il faut pour vivre en communauté, eh bien, nous devons nous respecter les uns les autres. Mais en même temps, il faut de la douceur, de la tendresse, de l'affection. Hein. Et c'est ce jeu subtil entre ces deux polarités qui fait toute la richesse des relations humaines et comme les relations équines. Et dans votre... centre, vous êtes 5, hein, mais vous avez tous la même formation ou pas? Oui, nous travaillons tous sur ces bases d'équinologie. Le but est de connaître, le but c'est d'associer quelle est la psychologie du cheval, quelle est la psychologie de l'être humain et comment faire cohabiter ces deux psychologies. Le cheval est un animal de proie dont pendant des années et des siècles nous l'avons chassé, nous sommes prédateurs. Comment faire coexister ensemble un prédateur et un animal de proie? C'est tout un art. Bon, nous allons finir là-dessus. On récapitulera un peu à la fin, vous nous direz où c'est qu'on peut vous trouver. Je voulais juste demander un truc, Claudie, en dehors de... Donc, vous êtes là pour traiter des problèmes liés aux peurs, psychothérapie, jeunes délinquants, mais est-ce que vous avez des stages programmé sur l'année? Oui, régulièrement, nous avons des stages pour ouvrir à diverses personnes, soit sur le plan de la santé, soit sur le plan de la connaissance de l'équinologie, c'est-à-dire cette communication avec les chevaux, soit pour résoudre des problèmes avec les chevaux, hein, soit pour apprendre ce style d'équitation, oui. D'accord, bon, on donnera tout ça terminer à la fin. Et tout à l'heure, on dira où c'est qu'on peut vous trouver. Hein, voilà, on fait une petite pause, Gilles. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. another day, my lady. Just another way I'm singing. Just another love song. Waiting for another day, my lady. Just another way I'm singing. Just another love song. FM 89.9 et Alain va nous faire sa petite chronique littéraire. Bonjour. Alors, il y a un an, exactement le 19 février, est mort Umberto Eco. Alors j'ai dit, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et le dernier livre qu'il avait écrit, c'était Numéro 0, qui est édité au livre de poche. En 1992, à Milan, un groupe de journalistes, 5 hommes et une jeune femme, sont embauchés pour créer un nouveau quotidien. On leur promet que ce quotidien sera dédié à la recherche de la vérité, mais celui-ci va se révéler un pur instrument de calomnie et de chantage. Sous le contrôle et avec les conseils du Dottore Colonna, ils vont fouiller dans le passé pour mettre en page leur numéro zéro. Donc le numéro zéro, c'est la maquette, hein, c'est ce qu'on va présenter pour voir si on fait quelque chose de correct. Alors chacun cherchant, suivant sa spécialité, le sujet qui va plaire au commandeur. Le commandeur, c'est le mystérieux client. Et c'est le présent qui va leur sauter au visage. Pour l'un des journalistes, c'est l'ombre de Mussolini, donné pour mort, qui domine tous les événements italiens depuis 1945. Est-ce que c'est là le délire d'un journaliste d'investigation paranoïaque? Mais pourquoi le trouve-t-on assassiné un beau matin? Alors, attentat, tentative de coup d'État, empoisonnement, complot, stratégie de la manipulation, de la désinformation. Quand tout est vrai, où est le faux? Umberto Eco nous offre ici la tragédie burlesque de notre époque. Ouais. La toute puissance des médias, tout à fait, capable de transformer toute la réalité. Et comme disait Coluche à propos des médias, quand ils n'ont rien à dire, ils s'autorisent à penser. Et quand on sait qu'on n'a plus rien à dire, on devrait être autorisé à fermer sa gueule. Ah oui, tout à fait. Alors, Umberto Eco, c'est pas toujours évident. Hein. Moi, j'ai aimé, comme tout le monde, Le Nom de la Rose. Oui. Le Pendule de Foucault, c'était passionnant, donc j'ai aimé pour des raisons personnelles. Et Voyage avec un seul. La mystérieuse flamme de la reine Loana, qui était quelque chose de curieux. Mais par contre, je dirais, le cimetière de Prague, au bout de 30 pages, j'ai laissé tomber. Ouais. Il y a des auteurs qui sont pas, qui nous incentent pas tout le temps. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, mais il faut avoir un bagage philosophique derrière, autrement. C'était trop. Tu décroches. Voilà. Bon, je crois qu'on va passer. On fait une pause ou on passe au film? On passe au film. Je peux que ça soit un peu court. Un peu court, un peu long. Bon, mais alors, je vais peut-être, je vais parler de lecture de contes. C'est Martine Bataille, qui est une conteuse hors pair. Je l'ai rencontrée hier matin, vendredi, de 9h30 à 11h. C'est pour les 3-6 ans. Elle j'ai vu ça, c'est très... À la chapelle des pénitents noirs. Elle va compter de 14h à 15h30 pour les plus de 6 ans. Et à 20h30, c'est pour les adultes. C'est organisé par l'ASEL, qui est l'association culture et éducation de Monteux, qui vend souvent des livres d'occasion. Et c'est gratuit, donc c'est quand même intéressant. Donc c'est à la chapelle des pénitents noirs, et je lui ai promis que j'en parlerai. Donc je commence par ça. Surtout qu'elle a du talent. Elle a un talent. Elle est passionnante. Oui, elle est passionnante. Ouais. Martine, vraiment, j'adore. Bon, j'adore les contes, mais elle a particulièrement de talent. Alors, on fait une petite pause et après on parlera de films. À tout à l'heure. Sur Fly FM 89.9 et Josie va nous parler d'un film, je crois, qui va nous émouvoir. Oui, qui dure 2 heures. Ah, deux heures. Claudie. Ouais. Alors, il a intérêt d'être bien. Lyon. Non, mais je pense qu'il est bien. Lyon, ouais. C'est un drame, une aventure de Garth Davis avec Dev Patel. Alain, tu peux me dire le film? C'est Slumdog Millionnaire. Voilà, on le connaît, avec Rooney Mara, Nicole Kidman et Sunny Powers. Donc ce film commence avec le jeune Saru, interprété par un brillant Sunny Powers. Une incroyable histoire vraie. Il a 5 ans. Ça se passe il y a 5 ans, je pense. Je ne sais pas. Au cœur du... J'ai fait un lapsus. Non, pas il y a 5 ans, parce qu'il est grand. Il a 5 ans, le gamin. Oui, voilà. Il vit au cœur d'une Inde où les décors sont naturels et il y a une grande misère environnante. Et il vit dans un taudis. Mais il est heureux entre sa mère, sa petite sœur et son grand frère Gudu. Et les deux enfants, ils ont l'habitude d'être livrés un peu à eux-mêmes. Et un soir, dans une gare fatiguée d'attendre, son frère qui ne revient pas, eh bien, il monte dans un wagon. Et voilà, et hop, que le train l'amène à plus de 1600 km de chez lui, mon Dieu. Dans une grande ville, Calcutta. Et là, il n'y a aucun repère et les habitants ne parlent même pas le même dialecte que lui. Donc il est un peu... Il ne se fait pas comprendre. Voilà, ouais. Il devient la proie de trafic en tout genre. Il devra apprendre à déjouer tous les dangers pour finalement atterrir dans un orphelinat. Et il est adopté par un couple d'Australiens. Et 25 ans plus tard, Saru, qui est devenu un véritable Australien, il pense toujours à cette famille qui est en Inde. Alors, armé de quelques rares souvenirs, il commence à parcourir des photos dans l'espoir de reconnaître, et il va aussi sur Google Earth, donc c'est ça son avantage. Il fait des recherches. D'essayer de reconnaître son village. Et puis, il se dit, je vais y arriver. Et là, il rencontre aussi Rooney Mara, qui lui apporte la douceur, et il vit une belle romance avec elle. Donc, c'est une aventure, une romance, une métamorphose. C'est un jeune acteur qui est inconnu pour l'instant. Et nous allons à travers ses yeux voir un monde dur pour prendre forme, qui prend forme autour de lui. C'est un joli film où il y a de la pauvreté, on parle de la traite des enfants, de l'adoption, des liens familiaux. Il y a des paysages magnifiques. C'est une belle histoire. Et à la fin, quand on sort, je pense qu'on doit avoir beaucoup d'émotions au fond de nous. Voilà. Après, Nicole Kidman est très touchante dans son rôle. Voilà, elle fait la maman, hein, je crois. La maman adoptive. Ouais. On y a un moment qu'on ne l'avait plus fait au cinéma. J'ai pas de... C'est possible. J'ai pris ce film et je crois qu'il a eu aussi beaucoup de prix. J'ai pas tout noté. J'ai vu le lancement. Ça a l'air pas mal. Hein, on a envie Je crois qu'il était récompensé à Londres. Il y a eu plein de trucs. Ouais. Il y a aussi un autre film là qui sort en ce moment aussi qui est pas mal. Je sais plus. C'est Clem, je sais plus là. Qui a aussi pas mal de prix. Et c'est quoi ça parle de quoi? C'est des noirs. Je sais plus. J'ai vu ça en présentation. Je l'avais aimé aussi de le choisir, mais j'ai pris celui-là. Bon, mais moi j'ai le temps. Je vais vous parler de. Des enfants d'aujourd'hui qui sont de moins en moins rêveurs et ne croient plus à la véritable magie. Mais la Warwick Magic School n'a plus assez de candidats et va être obligée de fermer ses portes. Alors c'est Benjamin Lican, c'est un jeune magicien diplômé qui apprend cela. Il ne peut se résoudre à voir son école disparaître. Il va alors parcourir le monde à la recherche des nouveaux apprentis magiciens. Donc théâtre, magie et participation des enfants. C'est un spectacle de 55 minutes par ce fameux Benjamin Lican, qui est à la recherche des apprentis magiciens à Avignon. Ce spectacle est à partir de 4 ans. C'est vendredi 24 février à 11h et en plus à 15h. Il y a deux spectacles. C'est une comédie magique et familiale, voilà, pour les tout-petits. Et c'est au théâtre Le Célimène, 25 bis rue des Remparts. Et si vous voulez les contacter, c'est www.théâtrelecelimenedunetraite.fr ou alors www.billetsreduc. D'accord.com. Voilà. Claudie, tu sais que ce samedi 4 mars, à l'Office du tourisme de Monteux, il y a le samedi prochain. 4 mars, oui. La semaine prochaine. Il y a Christian Gros avec Christian Abadi qui vous invite à un vernissage, une exposition de tableaux. Vous y allez, vous visitez l'exposition. Je crois qu'il y aura un tableau à gagner pendant le vernissage. Et il faut suffit d'avoir le numéro qui va être tiré. Ah, c'est une tombola. Il y a une tombola. Ah, hein. C'est samedi 4 mars à 18h30, je le rappelle. L'exposition, c'est plusieurs exposants ou c'est non, même... c'est que Christian Abadi, le peintre. Ah d'accord, c'est Christian Abadi, le peintre. Ouais, okay. Et puis il y a aussi Super Loto, parmi tant d'autres, j'en ai pris un. C'est l'École des Arts de Monteux qui organise un loto dimanche 26 février à 14h30 à la salle du château avec à gagner un voyage, une tablette, une mini-chaîne combinée, un grill, une plancha et de nombreux lots. Il est sur notre page Facebook. Voilà, alors je le redis. On fait une petite pause. Vous êtes sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et moi, je vais vous parler du vendredi 24 février et samedi 25 février, c'est à 20h30. C'est Jean-Patrick Douillon qui réitère avec un nouveau spectacle. Alors, ce monsieur, il a écrit des textes pour le Théâtre des Deux Ânes. Il a écrit des sketchs pour Paris Première. Il a fait des interventions pour l'émission Vivement Dimanche. Et là, il fait un nouveau spectacle. Donc, il avait des brèves en stock, des vannes, des blagues. Donc, il a tout mis ensemble. Et il va nous faire ce spectacle. C'est au Théâtre des Remparts, en Avignon, à 20h30. Et c'est donc le vendredi 24 février et le samedi 25 février à 20h30. Voilà, t'as encore quelque chose ? Non, tout à l'heure, on a parlé des animaux. J'ai relevé un livre, je ne l'ai pas lu, hein, parce que tu vas me demander ce que tu l'as lu. C'est communiquer d'âme à âme avec des animaux. Alors, ceux qui aiment les animaux et qui veulent approfondir leur relation avec leurs compagnons, il y a une auteure qui s'appelle Sylvie Scheffre, aux éditions Trajectoire, qui a écrit un livre qui nous permet de mieux comprendre et d'interagir avec eux par la communication avec les animaux intuitive et à la portée de toutes. Voilà, donc ça correspond avec ce dont on a parlé tout à l'heure. D'âme à âme avec les animaux. On peut dire que c'est un complément. Voilà, tout à fait. Mais bon, je pense que c'est bien. Hein. Et est-ce que je peux vous parler du Théâtre des Remparts ? C'est 56 rue des Remparts. Vendredi 24 février, c'est la soirée des insouciants. C'est les enfants, les kids, qui ont écrit des pièces de 7 à 10 ans. Donc, ils ont écrit des sketchs, des pièces, et ils vont les jouer eux-mêmes. Ah oui, c'est très intéressant. Donc, réservation, billets réduits, ou alors, vous cherchez Théâtre des Remparts. Et si vous n'avez pas Internet, il y a encore les annuaires, ça existe. Parce que c'est pas tout le monde qui a Internet. Et, et pour rappeler, vendredi dernier, on est allé voir les Bazarettes. Oui, on est allé voir les Bazarettes. On a passé une très bonne soirée. Ah, on les avait reçus. Franchement. Oui, c'était très, très, très agréable. Une bonne soirée. C'est pour ça que je tenais à le dire. À refaire, oui, oui. À refaire. On attend la suite, les filles. Est-ce que tu as encore un truc ou est-ce qu'on va faire une pause et après on finira avec M. Sylvestre qui va nous récapituler ce qu'il fait. Non, pas pour... Non. Non. Si vous voulez, juste, mais ça c'est une petite info, ceux qui font des potagers et qui aiment le troc aux plantes, il y a un site qui s'appelle www.les... Non mais là on parle plus là. Ah bon. Les filles, oh ouais. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. On parle trop fort. On a trop marché dans les rues, pourtant on sait rien de la vie, vraiment rien. On a tout vu, on a tout cru, on a fini par être déçu de ces loin de l'ennui, on s'est construit une autre vie. Voilà, revenu sur Play FM et je rigole toute seule parce que j'ai coupé la parole à ma copine parce que j'en avais marre de l'entendre parler. Passé. Elle m'a coupé le sifflet. Je te redonne la parole. Eh bien justement, rien que pour ça, voilà, je ne vais pas te donner mon astuce. Parce que ceux qui aiment les plantes, eh bien, ils peuvent faire le troc aux plantes. Le troc aux plantes, Claudie, je ne sais pas, j'ai des jardiniers, je crois, un petit peu autour on de moi. On avait reçu Pimpronel, je ne sais pas si voilà, tu as Voilà, eh justement, ah, c'est de eux que je voulais parler. Bien. Donc, les Pimpronel, ils ont un site, c'est les www.les-pimpronel.com. Ou alors, vous pouvez aller aussi sur troc-plantes.com pour avoir des adresses, pour les trocs de plantes, pour avoir des graines et tout ce qui va avec. Ouais, c'était très intéressant. Parce que je pense qu'on arrive au printemps, là. On parlera jardin la prochaine fois. Là, on voudrait dire au revoir à monsieur Sylvestre. Ah oui, est-ce qu'on nous donne voilà. Tout. Dites-nous où c'est que vous et votre santé équestre afin que nous allions, nous, on ira vous voir. D'accord. Donc, si vous voulez venir nous voir, le centre équestre est à Mazan, hein, entre Carpentras et Mazan. Et Montmarron. C'est Carpentras et Mazan, pour être plus exact. Ça s'appelle Chemin d'Omidian. C'est le chemin qui va exactement entre Mazan et Serres. Ok. Voilà. Entre Mazan et Serres. Et Serres, oui, il y a un chemin qui est parallèle à la route de Carpentras-Mazan, hein, qui passe en plein, juste à côté du centre équestre. De toute façon, nous sommes à 1 km de Mazan et à 4 km de Carpentras. C'est indiqué au bord de la route ? C'est indiqué au bord de la route. Vous suivez le panneau, le kiosque. Nous avons mis des indications pour permettre aux personnes de venir nous voir. Et vous êtes ouvert On est ouvert du lundi jusqu'au dimanche, donc pour les diverses activités, soit en équithérapie, soit pour vouloir faire du cheval, soit pour pouvoir faire aussi des promenades et des balades. Et on rencontrera Dream ? Dream est sur place, oui, et il pourra vous faire un petit coucou si vous venez le voir. Et si vous amenez de la crème fraîche, je pense qu'il appréciera. Ah, c'est la crème fraîche, on va tout savoir. La crème dessert. La crème dessert. Et on dira pas la marque, non, parce qu'il a une préférence. Il a une préférence de marque en plus. Non, non, non, c'est. Alors lui, je vous l'ai dit aux antennes, il est pistonné celui-là. Donc après, si vous voulez avoir plus de renseignements, nous avons un site internet qui est www.luckyhorse.fr. Et puis, comme nous travaillons aussi au niveau plus de la thérapie avec une association qui s'appelle Isofaculté, qui est www.isofaculté.fr, qui elle s'occupe essentiellement de tout ce qui est santé. Hein. Et mais n'importe quelle association peut venir vous contacter N'importe quelle personne, n'importe quelle association, nous sommes ouverts à toute demande qui sont dans nos compétences, bien voilà, sûr. Et pour... si vous avez un petit problème, un burn-out... Un petit dépression, un petit burn-out... Un manque de confiance en soi, etc. Si on veut améliorer même sa communication. Hein, ouais, et toute la notion de bien-être, tout simplement. Hein. Et sur le site... Pour le plaisir aussi. C'est une autre option, le plaisir tout surtout court. Surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. On est vraiment gâtés, plein février. Nous avons un temps merveilleux. Hein. Attention, le mois de mars. Et juste un truc sur le site, je crois qu'il y a aussi des séminaires. Nous organisons en permanence des séminaires, des stages pour soit apprendre même le métier, puisque nous avons des formations sur place, ou soit uniquement pour venir découvrir un aspect de la communication avec le cheval. Voilà, je crois que nous avons... Et Claudie, la semaine prochaine. Oui, il est temps de nous quitter. Donc la rediffusion, c'est vendredi à 14h. 15h. Nous allons avoir les podcasts, ça ne va pas tarder. Notre site est en construction, il va être fini incessamment sous peu. Donc... dans quelques temps, si vous voulez aller regarder écouter le podcast. Et la semaine prochaine, nous avons l'instant zen de Monteux avec Linda Declerc qui va... On va ressortir zen. Voilà, on va être zen. Là, vous allez voir. Donc, au revoir. À mercredi prochain. Et une grosse bise à toute l'équipe et voilà. Merci. Bonne semaine. À bientôt. Merci de votre accueil aussi.